Bonsoir et bienvenue pour ce 11e numéro de Cosmic Cassette, premier numéro de l'année 2016, en compagnie de Bermuda de AB Records et de Momo derrière. CQ, CQ, this is WMGFO. Is anybody out there? Cosmic Cassette, all aboard! All aboard! Clear the track! Here I go! Donc salut, Bermuda. Salut. Ça va bien? Bah ouais, toi? Ouais. Alors je vois que t'as amené plein de tranches de cassettes colorées. Ouais. Est-ce que t'as un style défini dans cette petite mallette? Oh, non, il y a plein de trucs, il y a de la musique japonaise, il y a de l'horrorcore, il y a du jazz, il y a de la musique ambiante, il y a plein de trucs différents, même de la pop. Cool. Je vois que t'as des cassettes fait main aussi. Ouais. C'est bien. Cosmic Cassette. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. It's number one. Woo! On écoute un morceau de Haku, issu de son EP Chapelle Ardente. Je crois que c'est le morceau milieu, mais je suis pas sûr. Peut-être il y a trois morceaux, il y en a un qui s'appelle début, l'autre qui s'appelle milieu, l'autre qui s'appelle fin. C'est paru chez Indian Redhead, ouais, il y a la face B enregistrée sur la tienne. Ouais, moi j'ai la face B, je crois. En fait, non, j'ai toujours écouté celle de mon coloc, donc je sais pas si j'ai la bonne face. C'est moi. Toi, t'as rien. Bravo à toi. Bien, tu peux. Et puis avant, on a écouté un morceau de musique cage, qui s'appelle Travailler, c'est trop dur. Ah bon? Ouais. C'est ça? Ça s'appelle Travailler, le monde, c'est le nom de la cassette aussi. Le truc de musique cajun qui s'appelle Travailler, c'est trop bien. Le premier morceau, c'est un morceau d'un Canadien qui s'appelle Unblonde, qui vient à Montréal, maintenant, qui sortit une espèce de cassette de pop un peu bizarre, avec des boucles de trucs. Je crois que c'est une 4 pistes cassette, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est un tout jeune, je crois qu'il a 20 ans. Cosmic Cassette. Kawani Cassette. Thank you. Antoine, tu nous dis ce que tu nous as mis? Alors j'ai mis une musique japonaise, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est un mec dans l'école où je faisais mes études qui m'avait filé un gros sac de cassettes et il m'avait filé des trucs qu'il avait dupliqués lui-même, donc là c'est quasiment tout marqué en japonais. Juste marqué Shiota Sangyu, j'ai jamais vérifié si c'était vraiment ça, mais c'était musique traditionnelle japonaise. Ensuite j'ai mis un morceau de Léal. Cassette Invisible Cities. Chez Carpi. Non, c'est sur Constellation Tatsu. C'est vrai, oui. C'est pas ça, ouais, il a un label Carpi. C'est Constellation. Et dernier morceau, c'était Wishiwashi. Pareil, un pote de Lyon qui fait de la musique, ambiante, c'est mon coloc. En ce moment, c'est Regis Turner, c'est en live à Glen Island, à Anderlecht, à côté de Bruxelles, sur une cassette qu'ils ont sortie sur Indiana Dead, un split entre Haku qu'on a écouté tout à l'heure et lui. Will this thing float? Get in. It's W9GFO, K4WLD here. One, two. Yo. Yo. Alors je vous ai mis une petite cassette de... Ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'avais passé un morceau de John Zorn avant, un petit court extrait de l'album Spillane. Ce qui est bien, si vous aimez bien John Zorn. Putain, il a fait des cassettes et tout. Ouais, non, c'est pareil, c'est le même mec qui m'avait... Ah oui. Qui m'avait filé son sac de cassettes, qui m'avait filé plein de cassettes de John Zorn et de Naked City et tout ça. Quoi. C'était bien. J'en ai toujours plein à écouter que j'ai toujours pas écouté. Je connais hyper mal, mais c'est vachement bien. Après, j'ai passé un truc d'un américain qui s'appelle Babelfish, qui fait une sorte de rap hardcore, qui est vraiment bien. Qui avait vu en concert. De rap, t'as dit ? Ouais, c'est. Mais là, on a entendu du rap. Non, il n'y avait pas de rap. C'était sur le morceau du Nick. Ouais. Mais c'est vachement bien, j'avais vu en concert, c'était très classe. Du coup, j'ai la cassette à ce moment-là. Là, c'est sur I Had an Accident Records. Et le morceau juste avant, c'était. Un mec qui s'appelle Takahiro Mukai, qui a sorti une cassette récemment sur Ile Tapes, un label de Paris que j'aime bien. Et voilà, donc c'est sa cassette qui s'appelle The Ideal Ruins. Je vous la conseille, qui a vraiment travers. Et là, on écoute Bourbon Slaylow, un mec de Bruxelles, qui fait de la musique super aussi. C'est une cassette qui date un petit peu, c'est de 2010. Pas mal de choses assez bizarres, et dans plein de groupes aussi, dans le groupe qui s'appelle Tad Exotique, et dans Les Maîtres Fous aussi. Ah d'accord. Et voilà, c'est très bien. C'est quoi le label de musique ? Alors c'est deux labels italiens, je crois, qui s'appellent Long Tar, que je connais pas, et Swollen Avant-Garde, que je connais pas non plus. Thank you. jingle. Now try the game yourself. C'était l'avant-dernier morceau. Ouais. Et du coup, on va se dire au revoir. Eh ben, disons-nous au revoir alors. Peut-être t'as désannoncé, je sais plus si t'as désannoncé. Non, j'ai pas annoncé l'avant-dernier morceau, c'était un morceau de Run-DMT qui s'appelle Romantique, qui est sorti sur. Je crois que c'est son propre label qui s'appelait Culture Dealer, mais visiblement il sort plus rien. Et le dernier morceau, c'est une cassette de tournée que un groupe d'Olympia avait enregistré. C'est un groupe qui s'appelle Gun Outfit et ils étaient partis en. Je crois qu'ils partaient en tournée, du coup ils avaient fait genre 100 ou 200 cassettes pour leur petit tour des États-Unis. Puis voilà, c'est leur première cassette qui a été rebaptisée Emanation Tape, je crois. Parce que c'est le nom du premier morceau. Je crois qu'ils l'ont sorti eux-mêmes. Tu veux dire qui a été rebaptisé par le groupe par l'internet. L'internet l'a rebaptisé Emanation Tape, mais il n'y a pas vraiment d'indication qu'elle ait aucun. Enfin, il n'y a pas de nom a priori sur cette cassette. Collector quoi. Ouais. S'il en est. Bon, ben écoute, on va se dire bye bye. Nous, on se retrouve le 23 dans un endroit top secret pour mixer des cassettes. Absolument. Voilà. Ça va être fun. Le 23 janvier à Lyon, quoi. Et. Donc voilà, on fade out avec Gun Outfit. Cassette.